Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, la palme d'or du Festival de Cannes 2009. Condamné à 6 ans de prison, Malik ne sait ni lire ni écrire. À son arrivée en centrale, seul au monde, il paraît plus jeune, plus fragile que les autres détenus. Il a 18 ans. D'emblée, il tombe sous la coupe d'un groupe de prisonniers corses qui fait régner sa loi dans la prison. Le jeune homme apprend vite. Au fil des missions, il s'endurcit et gagne la confiance des Corses. Hé, hey, ton petite salope là-bas, je ne vous ai pas oublié, là. C'est ton culé, là. Pédé, là, putain. Et si à l'intérieur, vous connaissez du monde, amis, ennemis? Personne, chef. Hé, hey, c'est toi le nouveau? Vous voulez quoi, là? Tu fermes ta gueule et tu fais ce qu'on dit. L'idée, c'est de sortir un petit peu moins con qu'on est rentré. Tu parles avec les barbus. Tu parles avec les Corses. Tu fais le grand écart. Pas très bon pour les couilles, ça, tu sais. Je comprends pas. Tu te fous de notre gueule, c'est ça? Qu'est-ce que je t'ai dit la dernière fois? T'en es où avec les barbus? Ça avance. Tu bouffes. C'est à cause de moi. Si tu rêves, si tu penses, si tu vis, c'est à cause de moi. Ça va être long, 6 ans. Hein. Un prophète, superbe film de Jacques Audiard, un DVD UGC.